parfois des remords. Parfois des remords. Parfois je n'en ai pas. Je n'ai aucun remords pour vous lâcher une bombe. Pour les fachos et ce porc, j'irai cracher sur vos tombes. Je n'ai aucun remords de dire je me suis gouré, de dire je t'ai aimé et je sais que j'ai eu tort. Je n'ai aucun remords de dire qu'elle me manque, qu'elle me rend fort, mais parfois qu'elle me rend mort. Je n'ai aucun remords de dire que t'as fait l'erreur de me sous-estimer, de vouloir le beurre l'instant du porc. Je n'ai aucun remords de dire que ma terre est l'Éthiopie, que Jah me rend fort et qu'il a changé ma vie. Je n'ai aucun remords d'écrire, de composer, même si je sais que quelque part cela me fait pleurer. Je n'ai aucun remords de dire que je baise la France, Sarko et toutes ces tares avec leurs armes et leurs licences. J'ai parfois des remords quand la violence s'empare de moi et je rêve de mort, ce n'est pas si rare que ça. Je n'ai aucun remords à caillasser les flics, car je les vois par paire, un gars muni d'un flingue. Je n'ai aucun remords de dire que le monde est dingue, qu'il y a autant de guerres que de junkies avec seringues. Je n'ai aucun remords à toi qui aimes les jeunes filles, de dire que tu es mort si tu touches à la famille. J'ai des remords, crois-moi, quand je vois l'état d'Afrique. En tant que fils de Jah, c'est Babylone qui les nique. Je n'ai aucun remords quand je te sors un fils de pute, pour tous les masos et nazis et pédos qui sont en route. J'ai parfois des remords quand je vois que ce que j'écris ne te touche pas, qu'il n'influence pas ton mode de vie. J'ai parfois des remords, mais parfois j'en avais pas. J'ai parfois des remords, parfois j'en ai pas. Pour toi, je n'en ai pas. J'ai des remords, crois-moi, quand je vois que moi je ne fais rien pour changer de mon caractère bien trempé. Je n'ai aucun remords de t'avoir laissé dans un coin, la vie, à la mort, poteau, tout ça c'est bien loin. J'ai des remords quand je vois une Porsche au carrefour, me dis que cette thune serait plus utile au Darfour. J'ai des remords quand je vois tout jouer au casino, y'en a certains qui jouent leur vie au loto. J'ai parfois des remords quand je vois que je me plains, alors que certains habitent des bidons, une vie de chien. Je n'ai aucun remords car la thune je la hais, l'amitié et l'amour ne sont pas prêts de s'acheter. J'ai parfois des remords quand ces soirs là je pleure, je pense à tous nos torts, la terre et ses malheurs. J'ai plus que des remords quand c'est chacun votre tour, mais je suis rancunier, je n'ai pas besoin de votre amour. J'ai parfois des remords, parfois je n'en ai pas. J'ai parfois des remords, parfois je n'en ai pas. Pour toi je n'en ai pas. Et je n'en aurai jamais. Je suis pas proche, je te dis direct. Si, numéro 9, propagande légale 0008.